casquette, lunettes. Faut pas faire chauffer quand je pars, dis-moi, ouais, ouais. J'tombe, je me relève, frangin, j'ai rien de plus que toi. Tous les jours, rien à faire. Gazifié, je reste chez moi. Le monde tourne à l'envers. Chacun sa vie et ses choix. C'est bizarre, tu te tailles quand j'arrive, salope. Tu es bizarre, je sens que tu m'analyses, salope. Tu es bizarre, tu fais tout le temps la gadie, salope. Y'a les képis à crier, toute la zone galope. Y'a plus d'amis quand y'a les lovers. Ça veut ta vie, ta carte bleue. Ta gadie, ta porte de vœux. Y'a plus d'amis quand y'a les lovers. Si t'es le sang, c'est par le peu. Reste vrai, joue pas un jeu. Y'a plus d'amis quand y'a les lovers. Ça m'est égal, j'suis blanc mais je sors du zoo. Tiens Cali mais t'as pas de balle. À qui tu vas faire des trous? J'mets les chaussettes avec les claquettes. En ce moment j'm'appelle Bertrand, la maman ou la lettre. J'suis aux palettes, je vois pas net. En plus j'suis en fumée, j'ai fait tomber ma canette. Y'a plus d'amis quand y'a les lovers. Ça veut ta vie, ta carte bleue. Ta gadget, ta porte de bœuf. Y'a plus d'amis.